c'est la bibliothèque. Donc, on vend tout ce qui est livres, CD. Il y a quelques gros meubles qu'on ne sait pas monter à l'étage dans le montage, donc ils restent ici en bas. Voilà. Et alors, ici, par exemple, regardez, on a reçu un don avec toutes des photos de... Des aquarelles. Oui, des aquarelles de Bruxelles. Vous en avez ici sur l'autre. Et ça, elles sont en vente 50 cents.